l'avant la haine. Faut qu'on a vu du bon côté. Ça y est, j'en ai assez, assez de me lamenter. Je vais effacer, passer pour tout recommencer. Souvent je me sentais complexé. Il suffisait d'un rien pour que je me sente vexé. Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. J'ai décidé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Dans le fait selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer, de passer mes peines. Rien ne changerait ces événements. Non. Des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Dans ce fait selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer, de passer mes vêtements. Rien ne changerait ces événements. Ça y est, j'en ai assez, assez de me lamenter. Je vais effacer, passer. Me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. J'y suis arrivé dans une heure.